Bonjour, chers auditeurs, chères auditrices, bienvenue dans l'émission On refait la Coupe du Monde. À moins d'un mois de la Coupe du Monde de la FIFA 2018, qui aura lieu du 14 juin 2018 au 15 juillet 2018 en Russie, j'ai décidé de vous raconter la Coupe du Monde de football, revenir sur des événements marquants et de revenir sur certaines éditions. La Coupe du Monde FIFA est tout simplement unique. Aucune autre compétition sportive et sans aucun autre événement de n'importe quel domaine de notre société ne possède le pouvoir de déchaîner les passions de tant de personnes différentes aux quatre coins du monde. Je ne parle pas seulement des quelques semaines que dure l'épreuve lorsque passion et excitation convergent pour générer une ferveur sans pareil. La magie réside dans le fait que les résultats de cette poignée de matchs peuvent déterminer comment des millions d'êtres humains vont se sentir durant les années suivantes. C'est une compétition qui crée des archétypes et aiguise les tempéraments. Elle définit des images et en fin de compte, écrit une histoire authentique. Le football ne serait pas ce qu'il est aujourd'hui sans la Coupe du Monde de la FIFA. Il n'y aurait pas de Lionel Messi ou de Diego Maradona sans Guillermo Stabile. Pas de Neymar ou de Pelé sans Leonidas da Silva. Pas de Philippe Lahm ou Franz Beckenbauer sans Fritz Walter. Je pourrais continuer longtemps comme cela, tout comme vous d'ailleurs. Au moment où débutera la Coupe du Monde de la FIFA Russie 2018, nous aurons tout juste célébré le 90e anniversaire de ce qui semblait être une journée plutôt ordinaire pour le football. Le 28 mai 1928, c'est ce jour-là que les 29 nations membres qui composent alors la FIFA, réunies dans le cadre du 18e congrès de la FIFA à Amsterdam, ont décidé qu'il serait une bonne idée d'organisation d'édition inaugurale de la Coupe du Monde. Deux ans plus tard, ils ignoraient sans doute qu'ils étaient en train de semer les graines de ce qui deviendrait plus tard le plus grand spectacle sur Terre. Car c'est comme cela que naît toute œuvre d'art par un premier coup de pinceau. La Coupe du Monde FIFA 2018 organisée en Russie marque le 88e anniversaire de l'un des plus célèbres événements sportifs de la planète. Or, né très précisément en 1863, le Football Association, dont la FIFA est l'instance dirigeante, est un sport de vieux de plus de 150 ans. Comment donc expliquer que le sport le plus populaire soit et attendu aussi longtemps pour se doter d'un championnat du monde ? La réponse, qu'il n'y ait pas attendu 1930, est la naissance de la Coupe du Monde. Les origines du tournoi remontent en effet au début du XXe siècle et à la création de la FIFA en 1904. Car le premier championnat international de football a eu lieu 4 ans plus tard, dès 1908. Des dessins de la FIFA visant à organiser un championnat du monde en marge des Jeux Olympiques prennent vie en 1930. L'Uruguay est désigné comme pays hôte en l'honneur de son centenaire et de ses deux titres olympiques de 1924 et 1928. Seules quatre nations européennes font le déplacement en bateau jusqu'en Amérique du Sud dans l'Estadio Centenario de Montevideo, construit spécialement pour l'occasion. L'Uruguay remporte la première Coupe du Monde. Revenons à la Coupe du Monde 1998. Cette année, on fête les 20 ans de la victoire de la France en Coupe du Monde. Retour sur le mondial organisé en France. La France mobilisée, non qualifiée pour les mondiales de 1990 et 1994, malgré sa place de demi-finaliste en 1982 et 1986, la France accueille sa deuxième Coupe du Monde après celle de 1938. Le comité d'organisation est co-présidé par Michel Platini, triple ballon d'or et champion d'Europe 1984. En 1997, le tournoi de France, sorte de répétition générale, met en place l'Angleterre, la France et le Brésil et l'Italie. Avant la Coupe du Monde, la pression est énorme autour des Bleus, entraînée par Aimé Jacquet qui choisit de ne pas retenir certaines individualités comme Eric Cantona et David Ginola pour privilégier le collectif. Mais les matchs amicaux ne sont pas très convaincants et les critiques des médias s'intensifient. L'extension de 32 équipes constitue un pas géant d'une représentation mondiale. Au début de la Coupe du Monde, ils étaient 13, ensuite 16, 24. La France, pays hôte, remporte enfin le titre. En finale, les Français battent le Brésil et sa star Ronaldo, victime d'un malaise avant la rencontre. Bien aidé par les deux buts de la tête inscrits par Zinedine Zidane, les Bleus s'imposent 3-0. Plus d'un million de supporters fêtent le titre sur les Champs-Élysées après le match. Retour sur des faits marquants de cette finale. Tout d'abord, Ronaldo et le mystérieux malaise. Jusqu'au dernier moment, Ronaldo a failli ne pas disputer la finale. Le meilleur joueur du tournoi figure d'ailleurs pas sur la première feuille de match où est coché le nom d'Edmundo. Victime de convulsions le matin même, voire d'une crise d'épilepsie ou pour certains d'un arrêt cardiaque, l'attaquant passe des examens à la clinique des Lilas et n'arrive qu'au stade que 50 minutes avant la rencontre. Sans rien enlever à la France qui a joué un très bon football tout au long de l'épreuve, je pense que les choses seraient passées autrement si Ronaldo n'avait pas eu ce malaise à peine 4 heures avant le coup d'envoi de la finale, expliquait l'attaquant brésilien Bebeto. Cela a déséquilibré toute l'équipe, très inquiète pour son état de santé alarmante. Tout le monde courait dans tous les sens et Edmundo hurlait que Ronaldo était en train de mourir. Toute l'équipe était complètement sonnée, s'est ressenti pendant la rencontre. Le deuxième fait marquant de cette finale est l'intuition de Laurent Blanc. Suspendu pour la finale, Laurent Blanc vient parler à Zinedine Zidane le jour même de la finale, vers 17h. Je suis passé dans sa chambre et je lui ai dit « Pour l'instant, tu nous as fait du bien, mais tu nous as pas fait gagner un match. Donc, si tu pouvais choisir celui-là, cela nous arrangerait et pour toi, ce serait super. » Nous avons constaté que les Brésiliens n'étaient pas bons sur les coups de pied arrêtés. Je lui ai demandé d'aller sauter un petit peu dans la surface. Le destin fait qu'il a marqué 2 buts de la tête sur corner. Tout s'est donc déroulé comme on l'espérait individuellement et collectivement. C'est la fin de l'émission. Je vous retrouve très vite pour d'autres histoires sur la Coupe du Monde de la FIFA. Salut !